Bon, on va reprendre, s'il vous plaît. On va essayer de se concentrer sur ce sujet. Je pense que c'est important de vous dire. Je vais vous montrer que les gens, normalement, les étudiants assistés, ont répondu à plus de la moitié des questions. Allez. J'ai constaté que les statistiques, une grosse majorité n'a pas répondu sur c'était faux, c'est des médicaments et grossesse. Parce qu'ils n'ont pas assisté. Ça, c'est les statistiques. Et c'est le constat de l'ensemble. Les réponses concernant, il y a à peine 5% à 10% qui ont répondu dans les différentes sections. Par rapport à... Voilà donc ce que je tenais à vous dire concernant vous montrer, s'il vous plaît. Il y a pas un truc pour les notes. S'il y a des choses que vous faites dans l'insiste, essayez de les comprendre, parce que même si vous n'apprenez pas, vous êtes au moins capable de répondre à une proposition. Au moins. Il y a des étudiants qui se sont amusés à répondre à deux propositions, à trois, à quatre. C'est que bien du rejet. Et pourtant, vous touchez deux. Deux. Waouh. Je ne sais pas si c'est au cours. Et j'ai dit pendant les cours, pendant les TD, il n'y a qu'une ou deux. Pas plus. C'est-à-dire que si vous avez répondu à la troisième, c'est qu'il y a une qui est fausse. Qui en plus. Et malgré cela, j'ai trouvé juste un. Voilà. A, B, D, E. Kudlouché et Nonké. D'accord. Sur le plan, s'il vous plaît, du système nerveux autonome. Jusqu'à présent, ce que vous êtes censé retenir comme mot-clé. C'est que il y a le système. Vous avez déjà vu tout à l'heure. Le système sympathique, parasympathique, les deux pieds sont inversés. Et entre le système sympathique et sympatholytique, c'est inversé. Alors, entre le système sympathologique et parasympathique, vous avez les mêmes réponses. Donc, on peut raisonner en fin de chapitre ce problème. Donc, maintenant, pour retenir intelligemment, il ne faudrait pas que vous appreniez bêtement les effets, mais vous allez voir au fur et à mesure. Le schéma des molécules thérapeutiques sont plus nombreux par rapport au traitement parasympathique. Bon. Pourquoi? Parce que le système adrénergique, j'ai dit qu'il est un peu exacerbé, c'est-à-dire qu'il est brutal. Il n'est pas contrôlé. Alors que le système polyvalent est plus contrôlable. Il faudrait faire attention également que vous avez un neuromédiateur qui s'appelle la DORA dans le système sympathique et la cytocholine dans le système parasympathique. Et que vous avez des récepteurs alpha et bêta dans le système sympathique, sauf qu'il y a une problématique, c'est que dans le système alpha, il y a des postes et des pré. Rappelez-vous que dans le système de tout, les récepteurs pré-synaptiques sont des récepteurs de régulation. En d'autres termes, vous allez voir, quand on a besoin de stimuler, quand on veut libérer le médiateur, il faut le bloquer, parce qu'il répond. Et quand on en a peu, d'accord, il faut les bloquer. Comme ça, ils vont libérer. C'est-à-dire qu'ils réagissent, les pré-synaptiques réagissent de façon inverse en fonction de la quantité. Je vous ai démontré pour, concernant, à partir donc de sur le zone, pardon, on avait dit que le système sympathique, on avait une affinité, une spécificité, une réponse dose dépendante. Le meilleur exemple que je vous ai donné, c'est la dopamine. Je vous ai dit que la dopamine à faible dose se fixait uniquement sur ses propres récepteurs, qui sont des récepteurs dopaminergiques. Si on augmente la dose, l'affinité va aller vers les récepteurs bêta, mais la spécificité de réponse va diminuer. Et si on a, maintenant, tout dépend de la question que vous pouvez avoir, est-ce que c'est en monothérapie ou là en polythérapie? Si c'est en monothérapie et qu'on a une réponse, on a une réponse adrénergique, c'est-à-dire sur les récepteurs alpha, c'est-à-dire une vasoconstriction, et que le sujet a développé une hypertension. C'est une vasoconstriction. Qui dit vasoconstriction dit inondation des récepteurs post-synaptiques. On thérapie. Bien d'accord. Si on est en monothérapie, la seule réponse valable que vous devez cocher est un... À quoi c'est dû, donc, cette réponse ? Sur-dosage. Si je vous mets surcharge, vous n'avez pas le droit de cocher surcharge. Parce qu'il est en monothérapie. Il n'y a pas. Si c'est une surcharge, on pourrait éventuellement comprendre qu'il y a une interaction. D'accord ? Soit c'est une interaction, soit c'est un terrain sous-jacent qui a provoqué une surcharge. Mais vous n'avez pas le droit de mettre également un sur. Là, si c'est également. On a le droit d'avoir trois réponses : surdosage, surcharge, d'accord ? Et la surcharge peut être due à plusieurs raisons. On a le droit de faire les deux. Mais si en monothérapie, la surcharge est une réponse qui est fausse. Il ne peut pas être en surcharge. D'accord ? Bon, on va en parler au fur et à mesure. Ça, si je voulais vous donner à peu près un exemple. Oui. Lorsqu'il y a un terrain sous-jacent. Oui, j'ai dit, s'il y a un terrain sous-jacent, on peut. D'accord ? Il peut y avoir, par exemple, chez la femme enceinte, c'est une dose normale, il y a eu un déplacement, là, s'il y a... mais s'il n'y a pas de terrain sous-jacent. Là, il n'y a que, ça je vous ai dit qu'il y a trois propositions. Vous avez surdosage, surcharge, mais la surcharge va dépendre du terrain sous-jacent ou là d'une association thérapeutique, d'une interaction. C'est-à-dire interaction avec médicaments ou interaction avec une pathologie associée. Je vous ai également, à travers, donc on avait dit que la spécificité, c'est alpha 1 était donc une vasoconstriction, d'accord ? Il y avait la spécificité donc des bêta. Et dans les bêta, on avait des médicaments qui n'avaient pas d'affinité, ni qui avaient une faible affinité, en d'autres termes, qui était aussi bien pour alpha, bêta 1 que bêta 2. D'accord ? Et on avait donné l'exemple de l'isoprénaline. Et là, en fonction de la dose, la spécificité de la réponse était variable. C'est-à-dire qu'il y avait un qui était prédominant, une réponse qui était prédominante par rapport à l'autre. Mais on a des médicaments qui ont uniquement une affinité pour les bêta 1. Et n'oubliez pas que les bêta 1, je n'ai jamais dit, et je voudrais que ce soit clair, il n'y a jamais de bêta présynaptique. Il y a les alpha, mais pas les bêta. D'accord ? Post-synaptique. Maintenant, il y a les bêta 2. Les bêta 2 sont spécifiques, si on a vu. Sans réponse. On est dans les directs. Dans les directs, qu'est-ce qu'on a vu ? Ce sont des médicaments qui étaient capables de se fixer sur les récepteurs. On est bien d'accord ? Ils se fixent aussi bien sur les récepteurs alpha ou les récepteurs bêta. Maintenant, les indirects, c'est quoi ? Ce sont des médicaments qui vont faire quoi ? Stimuler la libération du médiateur, de la norme. Soit inhibe quoi ? Pardon ? Très bien, la dégradation, parce qu'on avait dit, je reviens, que la NORA était dégradée par deux systèmes. Le système COMT et le système MAE. On peut donner les I MAE en inhibant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans le raisonnement, les indirects vont faire quoi ? Les médicaments indirects. Puisqu'ils ne se fixent pas sur les récepteurs, ils vont faire quoi ? Non, ils ne vont pas laisser les autres. C'est quoi les autres ? Quel est le rôle des indirects ? Plus simple. Pardon ? Plus simple, de façon générale. Le rôle des indirects. Le rôle de direct, c'est de jouer le rôle du médiateur, de la norme. C'est eux. Et les indirects. Ils potentialisent quoi ? Non. Voilà, il augmente la quantité du médiateur au niveau de la forme. Quel que soit, il augmente la quantité de la NORA du médiateur au niveau de... Avant de prendre un petit bouquet, bon, vous allez reprendre ça. Ça peut se réaliser de quatre façons. On a parlé, je vais commencer par en bas, ce que vous allez trouver. C'est stimuler la libération. D'accord ? Pour que la quantité de NORA soit importante. Soit inhiber l'enzyme de dégradation, de telle sorte que la quantité de NORA soit plus importante. Soit carrément, vraiment, on avait dit que la NORA, sur le plan physiologique, était recassée. Donc on casse la recapture. Pour que la Nora soit recapturée, elle va rester au niveau de la fente. Soit carrément, qu'est-ce qu'on donne? Un antagoniste. On est dans les mimétiques. Mais on donne un antagoniste de quoi? Alpha 2, c'est-à-dire le présynaptique. En inhibant le présynaptique, qu'est-ce qu'on fait? On stimule la libération. Feedback. D'accord? En inhibant, donc on aura une réponse positive. Donc faites attention, là, dans les lithiques, dans les directs, si vous vous rappelez, dans les directs, on avait les alpha 1 agonistes. D'accord? Là, on va voir les alpha 2 antagonistes. Donc, vous notez si vous voulez les sympathomimétiques indirects en grand P. Et j'ai mis le but est essentiellement l'augmentation de la quantité de NORA au niveau de la fente sciatique. Tout faire, c'est-à-dire que c'est plus le médicament, mais l'élément qui va se fixer, c'est le récepteur, maintenant c'est le médiateur. C'est plus le médicament. C'est la NORA qui va se fixer sur les récepteurs alpha et bêta. Le médicament ne va soit augmenter la libération, c'est-à-dire qu'il est le précurseur, soit éviter la dégradation, soit éviter sa recapture, de telle sorte que le médiateur va rester plus longtemps fixé sur les récepteurs aussi bien alpha que sur les récepteurs bêta. D'accord? Mais il ne se fixe pas sur ces récepteurs. Il n'en est pas. Vous allez voir que dans les indirects, il y a des particularités. Et là, c'est très très important. Dans les indirects, vous êtes censé non seulement reconnaître les mécanismes, mais ils ont des particularités. Des petits soucis lorsque vous aurez à les prescrire. Des soucis, on va les voir. Pas encore. À la posologie. L'intensité de la réponse n'est pas proportionnelle à la posologie. À la posologie. Je peux vous dire. C'est la question. Généralement, quand on donne une thérapie, la réponse est plus proportionnelle à la dose. D'accord ? Quel que soit l'effet, primaire, sauf quand c'est une réaction dose indépendante. Mais on parle de dose thérapeutique. On avait dit qu'on avait laissé un C2, si la concentration, on peut augmenter si la concentration n'était pas efficace. Avec les directs, c'est vrai. Si la réponse est proportionnelle à la quantité de médicaments fixés sur ces récepteurs. On est bien d'accord sur ça, mais pour les indirects. Donc je peux changer. L'intensité de la réponse est proportionnelle à quoi? Non. Non. La quantité de l'ensemble de quoi? Je dis qu'elle n'était pas proportionnelle à la dose, à la posologie. Immédiate. À la? Je vous demande. Oui. Médiateur. C'est pas la forme libre. Proportionnelle à quoi? À la quantité du médiateur. Elle n'est pas proportionnelle à la dose du médicament. Puisque le médicament ne va faire quoi? Il va libérer une certaine quantité de médiateurs. Mais si on revient à la physiologie du système, le médicament est synthétisé et stocké dans les vésicules. Mais dans les vésicules, si vous vous rappelez, on vous avait dit dans la physiologie que la quantité dans chaque vésicule, elle n'est pas uniforme. Vous pouvez trouver des vésicules vides, vous pouvez trouver des vésicules qui contiennent une aura et d'autres qui contiennent 6. Et à ce moment-là, quand il y a stimulation de la libération, automatiquement, il y aura une molécule de nora qui peut se fixer sur les récepteurs, comme il peut y avoir 6 qui vont se fixer sur 6 récepteurs. Et c'est pour cela qu'on dit généralement que dans le cas, si dans le premier cas, on peut contrôler la réponse dose-effet, dans le deuxième cas, on ne peut pas contrôler la réponse dose-effet, puisque la réponse est proportionnelle à la quantité de médiateurs libérés. Mais on ne peut pas le savoir. Ça devient premier problème. Arrêtez d'écrire, s'il vous plaît, vous allez reprendre, je vous demande. Les effets sont plus longs à s'établir, mais plus durables. Qu'est-ce qu'on doit, si vous avez cette phrase, vous devez retenir deux conclusions. Les effets sont plus longs à apparaître. Pourquoi ils sont plus longs? Alors que pour les directs, ils sont rapides. Hein? Et alors, normalement, c'est une molécule endogène. La réponse doit être plus spontanée. L'affinité de quoi? L'affinité pour la nora est meilleure que l'affinité d'un médicament pour un récepteur alpha ou bêta. On avait toujours dit ça. Compétition vis-à-vis de quoi? Rappelez-vous, retenez qu'on est en train de parler d'agir sur un système endogène. Oui. Les enzymes de dégradation. Pardon ? Au niveau des enzymes de dégradation. Qu'est-ce qu'il y a des enzymes de dégradation ? Après la fixation de la noradrénaline, les enzymes ne dégradent pas. Non. Si l'effet, s'il ne dégradait pas, votre raisonnement, je suis heureusement, si la molécule n'est pas dégradée, l'effet va apparaître rapidement. Mais là, l'effet met du temps pour apparaître. Il est plus long par rapport au direct. Soyez logique. Non, c'est pas une saturation de récepteur. La réponse, je sais, je suis sûr que vous l'avez. Oui. Le médicament n'agit pas sur les récepteurs, c'est faux. On parle des indirects. Et pourquoi on met du temps pour arrêter le thème physiologique? C'est pas une sorte de dose. Hein? Mais pourquoi le temps nécessaire pour la stimulation est long? Hein? Non. C'est dans ce sens. J'oublie toujours les mots-clés. Les mots-clés, c'est qu'on s'attaque à un système endogène, un système d'autorégulation. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une libération en phase primaire, quand il y a une inondation, l'organisme va faire quoi? Il va freiner. Donc il y aura un système de stimulation. C'est ce que votre camarade a dit dans le cycle. Vous entendez que quand il y a une quantité importante, le système va encore dégrader, la dégradation sera plus rapide. Pourquoi? Pour maintenir une certaine homéostasie. C'est pour cela que l'effet y aura plus ou moins, c'est quand quelqu'un, je l'ai toujours dit, quand il apprend à conduire, c'est vrai, il freine, il accélère, il freine. Ça met du temps pour que l'effet apparaisse. Pourquoi? Parce qu'il y a un plus. Donc, il y a une libération qui est produite une quantité qui augmente, mais l'organisme va faire quoi? Il freine. Automatiquement, l'effet va mettre plus de temps. Mais quand l'équilibre est atteint entre les deux feedbacks, c'est-à-dire le stimulateur et l'inhibiteur, eh bien, l'effet va se stabiliser, il mettra plus de temps. Si l'effet initial est direct, le médicament se fixe, il libère, il joue le rôle de la NORA. C'est ça, l'effet est immédiat. Dans le deuxième cas, le médicament ne fait que demander la NORA. Mais la NORA est conditionnée par un système régulateur. Quand elle est trop importante au niveau de la fente, le système de feedback va freiner. Donc automatiquement, il y aura un plus, un moins, de telle sorte que l'effet, sur le plan d'efficacité, la réponse ne va pas apparaître parce que la quantité de NORA au niveau de la fente n'est pas stabilisée par le fait d'une stimulation et d'un blocage endogène. Donc ça met du temps. Et quand l'équilibre est atteint, elle met beaucoup plus de temps. Et de ce fait, qu'est-ce qu'on peut conclure? Si on doit donner les directs par rapport aux indirects. Donc sur le plan d'objectif, très bien. Donc si je veux rechercher un effet immédiat, je ne vais pas donner les indirects. Parce qu'il met du temps pour apparaître. Il est préférable de donner les directs. D'accord? Et j'ai un problème. Troisième particularité. L'administration répétée trop longtemps de ce médicament va entraîner une tachyphylaxie. C'est quoi une tachyphylaxie? Non, c'est l'anaphylaxie. L'anaphylaxie, c'est quoi l'anaphylaxie? C'est-à-dire c'est une réponse qui est exagérée, croissante. D'accord? La tachyphylaxie, c'est l'inverse. Mais ce n'est pas sur le plan immunologique. La tachyphylaxie, c'est la disparition de la réponse avec le temps. Si on donne ces médicaments trop longtemps, avec le temps, c'est une insensibilité des récepteurs. Donc, voilà, c'est une forme de tolérance, mais ce n'est pas une tolérance. D'accord? C'est la réponse qui va diminuer. De ce fait, conclusion, ce n'est pas des molécules qu'on doit donner dans l'urgence, et ce n'est pas des molécules qu'on doit donner trop longtemps dans le cas d'entretien. Donc, c'est des médicaments palliatifs, ce qu'on appelle le traitement de relais. Le relais, ce qu'on appelle la voie. Quand vous parlez de palliatif, c'est la voie. Quand on fait de la substitution, on parle de traitement palliatif. C'est-à-dire qu'on le donne pendant une courte durée. Quatrième particularité qui est différente des premiers, ce sont des molécules qui sont liposolubles. Quand on dit médicament liposoluble, deux points pour vous, c'est le temps de demi-vie est long. Hein? Les effets secondaires très importants parce qu'ils ont un large spectre. Il y a une quantité médicaments, c'est les effets secondaires qui sont beaucoup plus importants. Voilà une particularité avec les mots que vous êtes censés retenir. Donc, il y a une différence entre les directs et les indirects. Donc, vous notez les leurs particularités. Oui. Durable, parce que quand il y a la stabilité entre les deux, entre le stimulateur et l'inhibiteur, la quantité de médiateurs va. Parce que vous avez bloqué les enzymes indirectement, vous continuez à sécréter de façon homogène, donc l'effet est durable. Et cet effet durable. Et la séparation. La séparation. Oui. On a fait la réponse à 3 ans. Non. C'est l'inverse. Donc vous notez leur particularité. Leur particularité, c'est que l'intensité n'est pas proportionnelle à la dose administrée. Quand je parle de la dose, c'est la dose du médicament. À la dose administrée, leurs effets sont plus longs. L'effet donc, où le feedback plasmatique est plus long à s'établir, mais quand il est là, l'effet dure plus longtemps. Généralement, donc, ce sont des molécules, vous allez voir, molécules qui sont liposolubles, donc des effets secondaires. Quand vous prenez un médicament à action directe et un médicament à action indirecte, sur le plan d'effet vital, vous allez voir plus d'effets secondaires avec les indirects qu'avec les directs. Et je vais vous donner l'exemple de ce qu'on appelle un dopant. Regardez la projection thérapeutique, elle est totalement. On parle de poumons, on parle de cœur, on parle également de gynécologie obstétrique et autres. L'antagoniste, je ne peux pas poser votre caméra, l'antagoniste alpha 2, ce n'est pas un agoniste, on est dans un système mimétique, mais pour avoir une action mimétique, il faut bloquer les récepteurs. On a l'ioambine entraîne, est indiqué pour l'hypotension sévère. Ça veut dire quoi? Là, parce qu'on a besoin de provoquer quoi? Une vasoconstriction induite par quoi? Par médicament? Non, par la Nora, le médiateur. Le médicament se fixe en pré-synaptique. Lui induit la libération post-synaptique. Pourquoi? Maintenant, le médicament agit en pré, mais la Nora, quand elle va libérer, elle va couper tous les récepteurs vifs. C'est pas les directs. Les directs bloquent les récepteurs directement. Les indirects ne peuvent pas. Ils agissent en pré-synaptique, mais les récepteurs sont libres. Donc qui va se fixer sur les récepteurs? C'est le médiateur. On est bien d'accord? Donc là, l'ioambine est indiquée dans l'hypotension sévère. J'avais dit qu'on pouvait agir de quatre façons. D'accord? La première, c'est en antagoniste. Deuxièmement, on avait dit que on inhibait la recapture. C'est ça? Oui. La molécule, c'est les imipramines. Les imipramines sont des antidépresseurs. Regardez, l'action est devenue centrale. Pourquoi? Parce que chez les dépressifs, on a besoin de les secouer. Entre autres, les traitements de la dépression, c'est les électrochocs. D'accord? On fait même pour les dépressifs de temps en temps. On leur vend des douches froides. D'accord? Oui. Donc, là, qu'est-ce qu'on donne? Le sujet a besoin d'être un peu secoué. qu'on va faire? Et bien, en inhibant la recapture, on obtient un taux de LoRa très important qui va jouer le rôle d'excitateur. D'accord? Mais là, c'est beaucoup plus central. Donc, on est passé d'un traitement périphérique vasculaire à un traitement central. Des inhibiteurs carrément de l'enzyme maintenant. On veut maintenir une quantité de LoRa importante. On donne quoi? On donne des inhibiteurs. Mais faites attention, on n'a pas les inhibiteurs du CAMP, on a les inhibiteurs de la MAO sur le compte. On appelle les IMAO. Et les IMAO sont indiqués aussi bien dans le traitement de la maladie de Parkinson que dans le traitement de la DVE. D'accord? C'est pas la peine de noter tous les noms, vous notez IMAO. Il y a dans la classification de faire une grande diversité, ça ne sert à rien. Vous n'entendez pas noter le sens essentiel. La diapo est une chose, vous devez noter les choses élémentaires. On parle des inhibiteurs, les IMAO. J'ai mis le nom, c'est la cilibiline, c'est pas, vous n'avez pas appris ça, mais en IMAO, l'indication, maladie de Parkinson et la dépression. Qu'est-ce qui nous reste? On a les présynaptiques, la recapture, la dégradation, la simulation de la. Carrément simuler la LoRa. Dans la LoRa, on a deux stimulateurs, mais ce ne sont pas des médicaments. Il y a un qui est utilisé beaucoup plus, c'est l'éphédrine, mais l'éphédrine est un usage bien particulier. On le trouve encore souvent dans les sirops. L'éphédrine. Vous l'avez vu, je suis sûr. Dans un éditeur, on prend plus souvent. Hein? Oui, je l'ai vu. Ça va toucher les amphétamines, c'est pas beaucoup. C'est des stimulants. Ça, c'est des médicaments, c'est une molécule qui a été inventée par les Japonais et les Américains. Hein? Vous savez pourquoi? Pour travailler un peu plus. On a déjà beaucoup de gens. D'accord? Eux ont besoin de travailler 25 heures par jour. Ah, possible. Ah, vous la question. Hein? Pour aller à la fac, il faut être parmi pas les meilleurs, mais les majors. Parce que sinon, il n'y a pas de place d'université. Donc il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils racontent ça, donc ça va. On prend du café. Eux, ils se chutent aux amphétamines. Les amphétamines sont considérées, parce que ce sont des stimulants primaires dans le tonus, sont considérés comme des dopants. C'est comme l'éphédrine. L'éphédrine, par contre, est une molécule qu'on trouve dans les amphétamines. Les froids, la journée, parce que finalement, c'est un vaso. On le trouve dans notre tiphaine. Un tiphaine. Et là, si vous avez, pour ceux qui suivent un peu le sport, d'accord, il y avait un athlète à qui on a retiré dans les Jeux Olympiques de Los Angeles, sa médaille d'or, de 800 mètres. Pourquoi? Parce que son médecin, suite à une grippe, lui a prescrit ES. Et l'éphédrine est considéré comme un dopant. L'athlète s'appelle Zanisiev. Et normalement, quand on prescrit une molécule dopante chez un athlète, le médecin sportif doit déclarer aux organisateurs des jeux, en anglais, ce qu'on appelle une autorisation AUT, une autorisation à usage thérapeutique. On déclare que le sujet a été sous traitement. Pourquoi? Parce qu'on fait un prélèvement avant pour voir si la dose qu'il a prise est une dose thérapeutique. On le fait après, c'est le T0 et le T1. Donc, contrôle du dopage, enfin le contrôle anti-dopage. Donc, le médecin n'a pas déclaré, comme il a fait un footing de 800 mètres, le métabolisme étant fort, donc il a dégradé, on a trouvé l'éphédrine, mais comme ça n'a pas été signalé, il a été considéré pour une forme de dopage. Donc, on a retiré, ça y est, l'éphédrine, et beaucoup de médicaments sont considérés comme des. Vous verrez sur le visage, c'est écrit. Proscrit par le CIO, le Comité international olympique, les médicaments qui sont interdits pour des athlètes qu'il fasse natation, méditation ou autre, c'est interdit. Les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants sont proscrits par le CIO. Vous savez pourquoi ? Pour certaines disciplines. Les bêta-bloquants, quel est leur rôle ? Le rôle de la personne ? Le potentiel. Vous savez quoi en effet ? Un hypotenseur vasoconstriction, les rats. Non, mais sur le plan de psychique. Psychologie, peut-être. Aucune idée. C'est dans les sports de précision, dans le tir à l'arc, dans les échecs. C'est le plan radical. Et généralement, vous aurez à prescrire des bêta-bloquants pour les malades qui ont peur de la fibroscopie. On leur demande de prendre un comprimé de bêta-bloquants. Parce que sinon, quand vous faites le fibro, pour les gens qui ont peur, ça fait des, ça donne des tachycardies, ça donne des bronchospasmes. Et ça, c'est mauvais. Donc, on peut donner des bêta-bloquants parce que ça indirectement, elle agit indirectement sur le corps, directement sur le corps vasculaire et indirectement sur l'organe psychique. Donc, rappelez-vous, ça c'est pour les amphétamines, ça c'est bon pour les étudiants. Parce que vous pouvez apprendre en même temps la pharmaco, la bactério, la célio, d'accord, la parasito en 48 heures. Mais vous, non, je ne sais pas, vous allez faire ça. Hein. Sauf qu'il y a un problème de tachyphylaxie. Parce que l'effet va disparaître rapidement. Et si l'effet disparaît, vous ne saurez même pas ce que vous faites avant tout. C'est le trou noir. Oui, c'est vrai. Parce que l'effet, comme si ça s'efface. Comme si vous allez dans un ordinateur, vous avez appuyé shift. Rien. Et travaillez-le. Donc il n'y aura ni parasito, ni omerzano. Donc, alors, il vaut mieux garder en vie vos neurones. D'accord ? Après les sympathomimétiques, on parle au sympathomimétique. Donc, dans le même schéma, s'il vous plaît, dans le même schéma, vous avez les directs et les indirects, et on parlera également récepteur alpha, récepteur bêta. Donc, les sympatholytiques, on a en grand A les sympatholytiques directs, et dans les sympatholytiques directs, vous avez les premiers, les alpha sympathopithique. Notez pas s'il vous plaît, ça c'est le plan, je le défile au fur et à mesure. Rappelez-vous, dans les bêta, c'est la même chose. D'accord ? Plutôt dans les sympathomimétiques, pardon, c'est la même chose. On avait parlé de la spécificité donc de l'un et de l'autre, ou là uniquement, de l'un puisqu'on est en alpha, on a soit un alpha 1 sympathopithique, c'est-à-dire celui qui peut bloquer mais de façon moins spécifique, aussi bien le poste que le pré. Alors qu'on a ceux qui bloquent spécifiquement les alpha 1, c'est-à-dire les postes synaptiques. Si on veut avoir une réponse, eh bien, on est dans le lithique, eh bien, il faut donner un alpha 2 agoniste. Alors que tout à l'heure, on avait dit antagoniste, dans les mimétiques. Donc, dans l'inhibition, on donne l'inverse pour le système de régulation. Des exemples maintenant. Donc vous avez mis le titre. Hein. Oui. Les titres, c'est ça. On est dans les sympatholytiques. On est dans les sympathos, donc les alpha 1 sympatholytiques, c'est ça ? Oui. Premier exemple, les alpha 1 de sympatholytiques. On les cite tout simplement. Du moment, c'est une molécule qui n'est pas, qui n'a pas beaucoup de spécificité, j'ai mis une phrase. Sa pharmacologie est complexe. Pourquoi elle est complexe ? J'ai répondu indirectement à la question. Parce qu'elle est non spécifique ? Elle agit sur les deux, mais de façon. Si elle agit en post-synaptique, tant mieux, elle bloque. Mais si elle bloque le pré-synaptique, elle va stimuler. Donc il y aura un effet anarchique. Vous êtes en train de bloquer et cela, c'est un médicament. Plutôt, il est indiqué les dérivés ou la diergotamine Et tu utilisais beaucoup de gynécologie acceptée pour faire évacuer après les fausses couches, après les avortements. Ça, c'est l'indication. Mais elle est un peu, dans le cas, pour des migraines un peu mal contrôlées. Pourquoi ? Les migraines, généralement, plusieurs raisons. Mais entre autres, on avait dit. Si. Très bien psychique, sur le plan vasculaire. Vasoconstriction. Et l'effet, le fait qu'elle agisse en présynaptique, donc va provoquer également un relâchement vasculaire et une meilleure irrigation. Ça, c'est un médicament. La pharmacologie est complexe, mais ce n'est pas un médicament qu'on va donner de façon chronique. C'est un médicament synthétique à certaines migraines, surtout des migraines atroces. Ça soulage, mais ce n'est pas un médicament qu'on doit donner pendant des jours ou des semaines. C'est un traitement 3-4 jours et on arrête. C'est un traitement palliatif. D'accord ? Le manque de spécificité, le manque d'affinité, pardon, parce qu'il est en 1 et 2, entraîne une mauvaise spécificité thérapeutique. Plus spécifique, on a des bêta bloquants. D'accord ? On a parlé des alpha, on a des bêta. Dans les bêta, vous mettez rien du tout, vous mettez voir le traitement de l'HTA. On le verra en long et on le verra sous le plan de traitement thérapeutique. Je vais vous dire tout simplement pourquoi je ne veux pas rentrer dans le traitement de l'hypertension. Quand vous prenez le système adrénergique, d'accord, vous avez quoi? Sur le plan branche, vous avez une bronchodilatation. Sur le plan vasculaire, vous avez vasodilatation. Alpha, vasodilatation. Bêta, vasodilatation. Sur le plan cardiaque, vous avez une tachycardie. Vous avez retenu ça? Si en bloc, les bêta-bloc, sur le plan cardiaque, une brave radicale, d'accord? Oui. Sur le plan bronchique, on a une bronchoconstriction. C'est pour ça que les bêta-bloquants, il faut faire attention quand on est prescrit aux cardiaques et aux insuffisances cardiaques, ou là, aux asthmatiques. Mais la logique, on continue dans cette logique. Si on a une vasodilatation, les bêta-bloquants sur le plan vasculaire vont entraîner une vasoconstriction. Comment on peut prescrire un médicament qui provoque une vasoconstriction dans le cas d'hypertension? C'est aberrant. On verra dans le cours d'HTL. On vous dira le pléonasme sur lequel je ne vais pas rentrer dans le détail. D'accord? Sur le plan. Il y a donc un mécanisme. Vous avez, dans le schéma que je vous ai démontré, vous avez 95% de vérité. Mais il y a des particularités. Et bien, les particularités, on va les retenir au fur et à mesure. D'accord ? Là, c'est pour ça que j'ai dit que les bêta-bloquants, il n'y a pas de récepteurs présynaptiques. Il n'y a que des récepteurs postsynaptiques. Et c'est des bloqueurs. D'accord ? Automatiquement, on a soit le blocage du récepteur bêta-1, ou les mêmes blocages du récepteur bêta. Comme on a vu les sympathomimétiques directs et indirects, on a vu les sympatholytiques directs, on a les sympatholytiques indirects. Ils agissent comment? Soit en donnant des fondomédiateurs. Tout à l'heure, on en disait qu'on libérait la NORA, là on inhibe la NORA. Tout à l'heure, on avait dit qu'on donnait un alpha 2 antagoniste. Là, on donne un alpha 2 agoniste. Quelle est la différence entre les indirects, entre les sympathomimétiques indirects et les sympathomimétiques en sympatholytiques indirects? Je pars sur le plan des mécanismes. Les mécanismes dans les cellules pathomimétiques directes, ils stimulaient la libération de neurones. Et oh là là là, ce sont des médicaments qui stimulaient. Les cellules pathomimétiques indirectes, apprenez l'intelligemment, ne font quoi ? Ils vont bloquer la libération. C'est logique ou pas ? Oui, c'est classe. Hein ? Mais c'est pas. Voilà, on se réveille, bonjour. Ça va ? J'ai dit que dans les indirects, les mimétiques indirects, on parlait antagoniste alpha 2. Puisqu'on voulait une stimulation, il fallait bloquer. Là, on veut bloquer, on donne un stimulant, un alpha 2 agoniste. Qu'est-ce qui manque entre les mimétiques ? C'est des niveaux, on va les revoir par quoi, hein ? Ça, c'est le plan. Vous n'allez pas voir la même chose. Quelle est la différence entre les médicaments mimétiques directs sur le plan de mécanisme ? Ils ont presque la même chose à une différence. Laquelle ? Si vous avez... Entre les mimétiques indirects et les mimétiques indirects. Je parle du mécanisme que j'ai cité, que vous avez sur votre cahier. Que vous avez sur. Ah. Non. Par contre, vous inhibez la recapture. Pour maintenir, voilà ce que vous allez faire. Il faut qu'elle reste. Si ça reste, ça devient plus lithique. Non. Vous avez. Sur votre cahier, vous avez noté les mécanismes mimétiques indirects. Mon Dieu, vous décidez de tourner les pages. Très bien, les enzymes de dégradation. Il n'y a pas d'enzymes de dégradation. Les autres ont donné, ont inhibé l'enzyme de dégradation, ont inhibé les FAO. J'avais dit qu'on n'y avait pas des inhibiteurs du corps. Les directs et indirects. En une, là, il n'y a pas de différence. Pas d'enzyme. Et où est là ? Vous êtes sûr ? Bon. Donc, voyez dans les indirects, dans les mimétiques indirects, et vous me relisez ce qu'il y a comme mécanisme. Inhibition de la recapture, on ne peut pas avoir. Parce qu'on ne peut pas laisser. Là, on peut arrêter la quantité de neurones. D'accord. Donc, si on donne un inhibiteur dans le papier, c'est que la neurone va rester. Donc, ça sera plus l'éthique. Donc, prenez deux côtés. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On a inhibé les enzymes. Est-ce qu'il y a une inhibition, une action enzymatique là-dedans ? Et alors ? Zid, on avait dit qu'on avait un alpha 2 antagoniste. C'est normal qu'on ait là un alpha 2 antagoniste. Oui ? Elle n'est pas convaincue. Oui, à peu près. Non. Ça, c'est resté dans le canevas. Apprenez, s'il vous plaît, intelligemment. Il y a un mécanisme, il est le même à 90%. Il y a des particularités pour ne pas répéter chaque fois la même chose. On va, donc, on voit dans le plan, parce qu'on était en train de parler des sympatholytiques indirects. Dans les sympatholytiques indirects, on a les alpha 2. Agoniste, on est alpha 2 agoniste. C'est la clonidine et elle est indiquée, on va la revoir, elle est indiquée dans l'hypertension. Ah, très bien, allez, ce que je voulais. Maintenant, elle bloque la libération de la quantité de neurones. Qu'est-ce qui va se passer ? Sur le plan alpha, vasculaire. Vasodilatation. Si c'est une vasoconstriction, ça ne peut pas être indiqué dans l'aspect A. Donc ce n'est pas une vasoconstriction. Et sur les plans de récepteur alpha, il n'y a pas de dilatation. Récepteur bêta, c'est une vasodilatation. Les récepteurs alpha, pas ça. Donc qu'est-ce qui se passe quand on compte ? Elles sont bien ? Comment ? vous avez votre malade est hyper tendu. Là, la zone, c'est sûr. Donc la colonie, ça fait quoi? Alpha dit, ça en mode dilatation, j'y vais. Qui fais-je? Bon, moi j'ai les autres. Par quelle? Je peux prendre cette molécule. Comment elle va réagir? Si elle n'entraîne pas, elle ne peut pas entraîner une vasoconstriction, c'est une erreur. Elle n'entraîne pas une vasodilatation. Ça n'a pas un acte cardiaque. Il n'y a pas de récepteur alpha, c'est le récepteur, on dit, c'est bêta. Merci, elle a tout découvert. Elle n'empêche quelque chose. Fabio, elle a empêché quelque chose, elle a quelque chose. Hein? Elle n'agit pas sur le débit. C'est le récepteur alpha, on est en train de parler. Alpha 2. Sur le plan vasculaire, elle va faire quoi? Merci beaucoup, Artex Sahara. Très simple. Elle s'oppose à la vasoconstriction. Elle fait une résistance. Elle s'oppose à la vasoconstriction. Elle empêche. Elle n'entraîne pas une vasodilatation. Tout simplement, quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Donc elle développe une résistance à la vasoconstriction. Donc quand même, tout à l'heure, oui, c'est pour ça que je dis. Elle doit les maintenir, tu vas là. Comment? C'est pour ça la phase de dilatation. Si toi, je ne veux pas rentrer dans les bêta-bloquants agissent de cette façon. Ils n'entraînent pas, d'accord, une vasodilatation, tout simplement, par action du débit cardiaque et vasculaire. Le médicament va s'opposer à la vasodilatation. C'est-à-dire qu'elle force l'élasticité, tout simplement, des artères et des vaisseaux. On avait dit qu'on pouvait donner également, deuxième, c'est les faux médiateurs. Le faux médiateur, c'est quoi? Eh bien, on fait croire à une molécule, on lui donne une molécule, mais lorsqu'elle se métabolise, elle ne donne pas naissance au vrai neuromédiateur. Elle donne naissance à un faux neuromédiateur. Qui a une affinité où? Qui n'a pas une affinité au niveau post-synaptique? Très simple, c'est comme la clonidine, c'est l'endomètre. L'endomètre est un faux neuromédiateur, c'est la méthylopa. Au niveau de l'organisme, c'est une molécule qui est inactive, qui est transformée encore en méthyl-noradrénaline. Et quand elle est libérée, quand elle est au niveau de la récepteur, elle se transforme au niveau post-synaptique et plutôt au niveau pré-synaptique. Donc elle va agir comme étant un alpha 2 agoniste. Donc elle a le même effet que la clonidine. Pas de la clinique, s'il vous plaît, les noms de médicaments, pas ce que j'attends de vous, de retenir les mécanismes. D'accord ? Là, les exemples, c'est pour illustrer. Alors, comment ça agit de l'histoire, mais le mécanisme, vous êtes obligé de retenir. Oui ? Non. Il se fixe sur le récepteur. Il se bat avec personne. Non, vous n'écrivez pas. Qu'est-ce que vous avez pris à midi? Hein? Vous n'avez pas fumé un joint? Non, pas bon. Restez avec nous. Alpha 2, agoniste, un faux neuromédiateur, et le troisième. Mais quel est l'inhibiteur? J'ai dit qu'il n'y avait pas d'inhibiteur. Non, de la libération. Maintenant, c'est carrément l'inhibiteur, pas de l'enzyme, l'inhibiteur de la libération. Pardon. Pas de l'enzyme, l'inhibiteur. Là, tout à l'heure, on avait une stimulation de la libération de la neurone pour avoir un système excitateur. Si on veut diminuer le tonus excitateur, on diminue la quantité de NORA. Le médicament, c'est quoi? Comme on ne peut pas agir directement, il y a un médicament qui prend la place de la NORA au niveau des vésicules. Il se stocke à la place de la NORA au niveau des vésicules. Donc quand les vésicules s'ouvrent, au lieu de libérer la NORA, elle libère ce médicament. Il y a une activité libre alpha A, libre bêta. Elle se pilote. La synthèse se fait en amont. Donc c'est indirectement au niveau de la libération, au lieu que la NORA soit par mécanisme actif, soit se concentre au niveau des vésicules, c'est la voie métidienne qui prend sa place. Et à ce moment-là, quand il y a ouverture et libération du médiateur, au niveau de la porte, on n'aura pas de NORA. On aura ce médicament. Et ce médicament n'a pas d'affinité ni pour les récepteurs, ni alpha, ni bêta, donc indirectement on diminue. En diminuant la quantité de NORA, on diminue la de tonus excitateur. Vous êtes bien d'accord? Oui. Généralement dans les hypotensions. Dans le traitement d'hypertension, on va aller revoir ces molécules dans le traitement d'hypertension. Mais hypertension modérée. Sur la deuxième partie, puisqu'on a terminé le médicament sympathio-mimétique, on passe au système au médicament parasympathique. On va voir dans le même cadre de plan, toujours, des parasympathomimétiques et des parasympathomimétiques. On peut voir dans certains. Là, vous allez voir moins d'effets directs et indirects. D'accord ? Les indirects, pourquoi ? Il n'y a pas presque les indirects. Comme rappel, on a fait le rappel anatomique, on va faire un rappel physiologique, on n'a plus affaire à la NORA, on a affaire à quoi? À la cyticoline. D'accord? Les particularités de la cyticoline, regardez si vous avez retenu le mécanisme, la cyticoline n'est pas recapturée. Donc il n'y a aucun médicament qui n'est pas recapturé. Par contre, la cyticoline est hydrolysée par les cholinésterases. Donc on peut donner des enzymes qui inhibent les cholinésterases. D'accord ? Sur le plan de récepteurs, on avait des récepteurs alpha et bêta, on a des récepteurs nicotiniques et des récepteurs muscariniques. Mais vous allez voir qu'on parlera plus en thérapeutique des récepteurs muscariniques. Pourquoi ? Les récepteurs nicotiniques ne sont pas périphériques, ils sont ganglionnaires. Ils sont au niveau des ganglions, les récepteurs nicotiniques. C'est pour cela, faites attention, souvent en thérapeutique, je le dis aujourd'hui, mais on va en parler, que parfois quand on donne des fortes doses avec des parasympathomimétiques, et bien vous n'allez pas avoir une réponse cholinergique, mais une réponse adrénergique. Pourquoi? Parce que vous allez inonder les récepteurs ganglionnaires. La cyticoline va inonder les récepteurs nicotiniques, du parasympathique, mais également les récepteurs ganglionnaires du système sympathique. Et de ce fait, en inondant les récepteurs ganglionnaires sympathiques, vous allez déclencher une réponse à l'énergie. Vous avez oublié le schéma que je vous ai de le montrer sur le plan anatomique? Pas les récepteurs alpha 1, alpha 2. Très bien. Pas d'encombrement, ça va être un encombrement chystérique, mais un encombrement stérile. Donc je préfère, on va le revoir. Rappelez-vous de cette petite phrase, notez-la avec un crayon quelque part, mais je vais vous donner des exemples, où parfois quand on donne un médicament, vous avez, si un médicament, ça va vous sembler bizarre, vous allez avoir, au lieu d'avoir une réponse cholinergique, et bien vous allez avoir une réponse adrénergique. D'accord ? Dans les médicaments, dans le système, en grand terme, là ça va être un peu plus rapide. Rappel physiologique, Pour un rappel physiologique, vous notez que dans ce cas, le neuromédiateur est la citicoline et les récepteurs, ce sont les récepteurs nicotiniques et les récepteurs muscariniques. Et vous notez également que dans ce cas, le neuromédiateur subit une hydrolyse et non une recapture. Parasympathomimétique. Naturellement, on va voir les directs et dans les parasympathomimétiques directs, vous mettez que le titre, on va y revenir, on trouve. Si vous avez raisonné la première fois, dans les directs, on va dire quoi ? L'adrénaline, c'est le proche de la Noura, et le précurseur, qui était la dopamine. Dans le même cas de figure, la plus proche, c'est l'acétylcholine et les analogues cholinergiques. La troisième classe, j'en parle pas, c'est, ça va être un peu de la culture générale. En A1, l'acétylcholine, c'est des petits titres, c'est flash. Si, avec l'adrénaline, j'ai dit qu'on pouvait l'utiliser en thérapeutique dans le cadre de l'urgence. Vous vous rappelez ? Hein ? Là, on pouvait l'utiliser en tant qu'adjuvant. Là, l'acétylcholine n'est pas un médicament à usage hospitalier. Ce n'est pas un médicament qu'on utilise. Le médiateur, pourquoi ? C'est un. Non, parce que ses effets sont limités. Elle a une action très rapide. Elle est plus gaz, puisqu'elle est rapidement hydrolysée. Et c'est un médicament qui ne peut pas être commercialisé autre que par voie parentérale, même si on le donne par voie parentérale, ses effets sont plus gaz. Il faudrait réaliser toutes les deux heures d'administration. Alors que par voie orale, il est inactif. Donc ce n'est pas un médicament. C'est même pas un médicament. Si vous jeûnez adjuvant, vous cachez, vous avez un coup. Ni adjuvant, ni principal, ni zénon. Ce n'est pas un médicament. C'est une molécule, c'est pour tout simplement vous donner la comparaison entre l'utilisation du neuromédiateur et celui du système sympathique et du système parasympathique. Vous allez comprendre indirectement, vous allez voir, qu'avec le système parasympathique, on verra beaucoup plus avec les parasympathomimétiques qu'avec les parasympathomimétiques. Donc, l'effet pharmacologique est très limité. Par contre, il y a des analogues de l'acétylcholine. Il y a deux. Il y a la carbacol, et ça se termine toujours par cholinergique, col, et bêta-nécol. Là est indiqué pour les atonies en post-opératoire. C'est la carbacol dans l'ordre. Et la bêta-nécol est utilisée en traitement local dans le glaucome. La carbacol est donnée dans l'atonie post-opératoire. bêta-décolle est utilisée donc en traitement local dans le cadre du DOCOM. Vous savez pourquoi la tonie ? C'est quoi le DOCOM ? Non. De l'œil, il faut que ça marche. C'est pas faux, mais c'est beaucoup plus la conséquence sur le plan, c'est une hypertension intra-oculaire. Il va provoquer le rétrécissement du nerf, jusqu'à bon moment, et la rétine. Et c'est pour cela que c'est des médicaments qui diminuent la pression intra-oculaire. Nous avons vraiment besoin de panneaux parce qu'on va en parler du glaucome à angle fermé, glaucome à angle ouvert, si c'est plus, mais pas dans le pied, mais c'est des médicaments qui permettent un peu le bêta-nocte qui décolle en collier, permet tout simplement de réduire la pression intra-oculaire. Quant au carbacol, la tonie post-opératoire. C'est quoi la tonie ? Généralement, on ne sait pas en post-opératoire, on est. Ah. Des rigidités. D'accord ? Et là, ce sont des médicaments qui entraînent un relâchement. C'est surtout quand le malade a été sous ventilation pour longtemps, parce que ça permet également un relâchement. Et je dirais peut-être en termes plus simples, décrisper le malade. D'accord ? C'est un traitement qui n'est pas utilisé pour tous les malades, mais c'est. Quand on tend à la troisième, là, ce n'est pas la peine de la noter, d'accord ? Parce qu'elle n'a pas. C'est la muscarine et un peu la pilocarpine. Ce sont des médicaments qui sont plus utilisés en médecine humaine, très peu, mais beaucoup plus en médecine vétérinaire. D'accord ? C'est pas bien, c'est pas. Déjà, je vais faire un vérité. C'est pas une de gel. La muscarine, ce n'est pas la peine de noter. La muscarine est une. Elle est issue de. On a découvert beaucoup plus en Amérique du Sud. D'accord ? Soit du plat, soit du cactus. D'accord ? Des gens qui étaient en prison à l'époque prenaient cette plante pour faire des faux morts. Parce que ça entraînait des brins cardiaques sévères, avec un ralentissement. Comme ça, quand elle gagnait, une très dure aussi de voir. Entre quand tu fais tomber la plante, et comme ça faisait. Je pense qu'il n'y avait pas des ECG. Voilà. Donc ça donnait parfois un rythme cardiaque qui était très faible. Et ça permettait même aux Indiens à l'époque de ça. Hein, quand ils faisaient une demande, quand ils voulaient rentrer en contact avec leur dieu. Ils fumaient avec le calumet. Et la muscarine avait ses effets d'entraîner une. Bradycardie sévère, donc c'est pas, dans ce sens, c'est pas d'accord. Mais on utilise également ces phénomènes, ces médicaments en médecine vétérinaire. Pourquoi ? Quand on veut opérer un cheval. Pour éviter, parce que le débit cardiaque est très important, donc on donne des dérivés. Alors, vous savez pas qu'il y a de la chirurgie en vétérinaire ? Elle sourit ! Elle a appris quelque chose aujourd'hui. Classe. Elle va dormir heureuse. Elle voit beaucoup du film comme elle. On retourne. Les films comme elle. Donc le cheval n'a pas le droit d'être malade. Soit il vit, soit il meurt. On aurait dû appliquer cette théorie pour les hommes. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Pour. Il y a une personne qui va encore mieux sourire. Donc je vais lui annoncer cette nouvelle. Donc le jeudi, il ne fait pas court. Constantine. Donc vous ne faites pas rasito et vous allez respirer de l'air. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Marie est déjà si messieurs.